Matthieu chapitre 24. Et comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui, pour lui faire remarquer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? En vérité, je vous dis, qu'il ne sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démolie. Puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier, et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement, et de la fin du monde. Et Jésus répondant, leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, je suis le Christ. Et ils en séduiront plusieurs. Et vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, mais prenez garde que vous n'en soyez point troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines, et des pestes, et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne sont qu'un commencement de douleur. Alors ils vous livreront pour être affligés, et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Et alors plusieurs seront scandalisés, et se trahiront l'un l'autre, et se haïront l'un l'autre. Et il s'élèvera plusieurs faux prophètes, qui en séduiront plusieurs. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Mais qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume, sera prêché dans toute la terre habitable, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Or, quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation, qui a été prédite par Daniel le prophète, être établi dans le lieu saint, que celui qui lit ce prophète y fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée, s'enfuient aux montagnes. Et que celui qui sera sur la maison, ne descende point pour emporter, quoi que ce soit de sa maison. Et que celui qui est au champ, ne retourne point en arrière pour emporter ses habits. Même alors aux femmes enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Or priez que votre fuite ne soit point en hiver, ni en un jour de sabbat. Car alors il y aura une grande affliction, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, ni il n'y en aura plus de telle. Et si ces jours-là n'eussent été abrégés, il n'y eût eu personne de sauvé, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors, si quelqu'un vous dit, voici, le Christ est ici, ou, il est là, ne le croyez point. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, qui feront de grands prodiges et des miracles, pour séduire même les élus, s'il était possible. Voici, je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, voici, il est au désert, ne sortez point, voici, il est dans le lieu le plus retiré de la maison, ne le croyez point. Mais comme l'éclair sort de l'Orient, et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car où sera le corps mort, là s'assembleront les aigles. Or, aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil deviendra obscur, et la lune ne donnera point sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les vertus des cieux seront ébranlées. Et alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre, se lamenteront en se frappant la poitrine, et verront le Fils de l'homme venant dans les nuées du ciel, avec une grande puissance, et une grande gloire. Et il enverra ses anges, qui avec un grand son de trompette assembleront ses élus, des quatre vents, depuis l'un des bouts des cieux jusqu'à l'autre bout. Or apprenez cette similitude, prise du figuier, quand ses branches sont déjà en sève, et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, et qu'il est à la porte. En vérité, je vous dis, que cette génération ne passera point, que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Or, quant à ce jour-là, et alors, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car, comme au jour avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, et donnaient en mariage, jusqu'au jour que Noé entra dans l'arche. Et ils ne connurent point que le déluge viendrait, jusqu'à ce qu'il vînt, et les emporta tous, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris, et l'autre laissée. Deux femmes moudront au moulin, l'une sera prise, et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez point à quelle heure votre Seigneur doit venir. Mais sachez ceci, que si un père de famille savait à quelle veille de la nuit le larron doit venir, il veillerait, et ne laisserait point percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez point. Qui est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur tous ses serviteurs, pour leur donner la nourriture dans le temps qu'il faut? Bienheureux est ce serviteur que son maître en arrivant, trouvera agir de cette manière. En vérité, je vous dis, qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui disant lui-même, « Mon maître tarde à venir », et qu'il se met à battre ses compagnons de service, et à manger et à boire avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra au jour qu'il ne l'attend point, et alors qu'il ne sait point, et il le séparera, et le mettra au rang des hypocrites, là il y aura des pleurs, et des grincements de dents.